plus des souvenirs. On fouille, on découvre, on partage. On pop, pop, pop, le grenier pop. Un rendez-vous curieux pour les rêveurs et les amoureux. On pop, pop, pop. Allô, allô, bienvenue dans le grenier pop sur les ondes vintage de CIBL 101.5 FM. Je m'appelle Frédéric Lavoie et je serai avec vous au cœur de la prochaine... Pas au cœur, au cours, mais oui, au cœur aussi. Au cours de la prochaine demi-heure, pour monter dans cette vieille échelle qui mène au grenier, ce fameux grenier rempli de tous mes souvenirs. Et cette semaine, de quoi on parle? Eh bien, on plonge dans l'univers de Walt Disney. Oui, l'homme qui voulait changer le monde et qui a réussi. Saviez-vous qu'il est encore aujourd'hui l'artiste le plus récompensé d'Hollywood? Et oui, 22 Oscars compétitifs plus 4 honorifiques, rien de moins. Bref, un créateur qui a marqué l'histoire, grâce entre autres à une certaine petite souris. Donc aujourd'hui, on va revisiter sa carrière, ses débuts et son héritage, mais avant de monter au grenier, on commence en musique. Et surprise, pas de cassette poussiéreuse cette fois, non, le grenier pop se met à jour avec BTS. Oui, groupe sud-coréen devenu un véritable phénomène mondial qui mélange pop et hip-hop avec une armée de fans aux quatre coins de la planète. Moi, j'ai écouté leur concert de retour sur Netflix qui a été capté là, à Séoul devant plus de 100 000 fans. On va écouter la chanson phare de leur nouvel album Arirang, la chanson Swim que moi j'ai adoré. Donc, je vous souhaite un bon grenier. Swim, swim, what a falling off your skin. Swim, swim, I could spend a lifetime watching you. Swim, swim, this is how it all begins. Swim, swim, I just wanna dive, I just wanna dive. Bad world, gone away, I still wake up in this bad world. Man, me place that I can breathe on this bad world. Looking like a goody goody in this bad world, bad world. I'm in the deep, tell me where the hell you at, girl. Oh, you ain't even gotta love me back, girl. You know that I'm never holding back, girl. Yeah. So easy, I made it so hard. Nights like these, I just wanna get lost. Right here with the moon and the sharks. I ain't gotta think, but I think maybe I just swim, swim. Waterfall in all of your skin. Swim, swim. I could spend a lifetime watching you. Swim, swim. This is how it all begins. Swim, swim. I just wanna dive, I just wanna dive. Water, water so deep, water so deep. Take it off the ground, I ain't never getting cold feet. Yeah, you know me, yeah, you know me. Sitting on the shore, now I'm ready for the whole thing. I can feel the high waves coming. While you run away, you can run it. Sour from my tongue, she's stunning. You're the only place that I wanna be, yeah. Swim, swim, water falling off your skin. Swim, swim, I could spend a lifetime watching you. Swim, swim, swim, this is how it all begins. Swim, swim, I just wanna dive, I just wanna dive. Splash, breathe, make waves with my two fins. Splash, take it across the line. I'm the hero, it'll change the time. Baby, everything can be so sad. Turn my face on the west side. I just wanna die, I just wanna die. Swim, swim. Water falling off your skin. Swim, swim. I could spend a lifetime watching you. Swim, swim, swim, swim. Let it all begin. Swim, swim. I just wanna dive, I just wanna dive. Si vous n'avez pas encore vu le spectacle de BTS sur Netflix et que vous aimez ce genre de musique, ça vaut vraiment la peine de le découvrir. Les chorégraphies là, sont magnifiques. Personnellement, moi, j'ai préféré la deuxième partie du spectacle là, qui est un peu plus pop. La première partie, ils faisaient des chansons un peu plus rap ou hip-hop. C'est un peu moins mon style, mais bon, je vous dis, la deuxième moitié du spectacle, elle, est très pop. C'est cette portion que j'ai adorée. Maintenant, je voulais vous parler d'un de mes héros. « Et oui, Walt Disney, c'est grâce à lui que je suis devenu fan de lecture. Lecture de bande dessinée et de comics. Depuis que je suis tout jeune, je lis les histoires de Mickey, de Picsou et de tous ces personnages qui font partie de l'univers Disney. Si j'ai plus de 2500 bandes dessinées dans ma collection, c'est vraiment grâce à l'univers de Disney qui a su me captiver quand j'étais jeune, notamment avec les merveilleuses histoires de Mickey Mouse ou de Picsou qui lui a été créé par Carl Banks et qui fait aussi partie de l'univers Disney. Et encore aujourd'hui, ce jeudi, là, j'étais chez Comic Hunter à Montréal sur la rue Clark. Comme je suis fan un peu de vintage et de vieilles choses, j'adore prendre mon temps pour fouiller dans leurs multiples boîtes de vieux livres. Cette semaine, j'ai ramené un vieux Pif Parade de 1978, payé 1$ pour le numéro 3, et un Mickey Parade numéro 30 de 82, lui aussi payé seulement 1$. Dans ces vieux livres, il n'y a même pas de couleur sur toutes les pages. C'est une page sur deux en couleur, mais bon, c'est comme ça que c'est. Quand j'étais jeune, il n'y avait pas de couleur sur toutes les pages. C'est vraiment ce genre de livre que mon père m'achetait quand j'avais 10 ans. Et maintenant, à plus de 50 ans, j'en lis encore. Les anciens numéros, je les mets parfois dans ma collection sans les lire. Mais les nouveaux, j'adore les lire le soir là, dans mon lit. Walt Disney s'est mis au goût du jour. Moi, je suis abonné. C'est pour ça que je vais chez Comic Hunter. Je vais chercher les publications pour lesquelles j'ai un abonnement là, pour ne rien manquer. J'achète des comics Disney, comme certains là, achètent des comics de super-héros comme Spider-Man ou Batman. Donc, vous voyez le genre, là, le format comique, environ une trentaine de pages avec une couverture là, qui est souvent tout en action, tout en couleur. Mais moi, bon, comme je ne suis pas un fan de super-héros, mes héros à moi, ce sont Mickey Mouse, Donald Duck et Uncle Scrooge. Moi, je suis abonné à ces trois publications là en ce moment. C'est tout beau, tout coloré. Disney, c'est vraiment faire des comics qui attirent l'œil. Ça se vend 5,99 US par numéro avec, bien sûr, un rabais là, en boutique quand tu es abonné à une série. Et ensuite, bon, quand tu ramènes ça à la maison, il ne reste plus qu'à t'évader en les lisant. Donc, Walt Disney et son empire, c'est de lui que je voulais vous parler cette semaine. Walt Disney, pionnier de l'animation et de la narration visuelle, né en 1901, il avait une imagination débordante et une capacité incroyable à créer des mondes et des personnages qui restent encore aujourd'hui dans la mémoire de tous. Il a commencé avec des courts dessins animés muets, mais c'est en créant Mickey Mouse en 1928 qu'il a vraiment marqué l'histoire. Mickey, c'était pas seulement un personnage mignon avec ses deux grosses oreilles. Non, non, il incarnait l'optimisme, l'audace et l'esprit d'aventure qui deviendront la signature de Disney. Puis, bon, Walt Disney a élargi son univers. Donald Duck, Dingo, Pluto et tous les personnages que nous connaissons aujourd'hui sont nés de sa volonté de raconter des histoires qui font rire, réfléchir et rêver. Avec eux, il a inventé un style unique, humour, émotion et aventure à la fois accessible aux enfants et captivante pour les adultes. Mais Walt Disney, bon, ce n'était pas seulement des personnages, c'était aussi des innovations techniques. Il a créé le premier long métrage d'animation en couleur, et oui, Blanche-Neige et les Sept Nains en 1937, révolutionnant ainsi le cinéma et donnant naissance à tout un univers de films qui suivront et parcs à thème, bien sûr, qu'on connaît aujourd'hui. Et voilà, pour ressentir un peu la magie de Walt Disney, faisons un petit voyage dans le temps. Retour en 1937 avec un extrait de ce film historique. Fermez les yeux et imaginez les images dans votre tête. Laissez-vous emporter par la musique et la magie de cette œuvre qui a marqué le cinéma pour toujours. Esclave du miroir magique, à court du plus profond des espaces, par les vents et les ténèbres, je te l'ordonne. Et montre-moi ta face. Que veux-tu voir, ma reine? Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure? Célèbre est ta beauté, majesté. Pourtant, une jeune fille en loque, dont les haillons ne peuvent dissimuler la grâce, est hélas encore plus belle que toi. Décris-la-moi. Apprends-moi son nom. Lèvres rouges comme la rose, cheveux noirs comme l'ébène, teint blanc comme la neige. Blanche-Neige. Parlons maintenant un peu de ce film « Blanche-Neige et les sept nains », ce classique de 1937 qui a marqué l'histoire du cinéma. Ce film, c'est le tout premier long-métrage d'animation en couleur et, pour l'époque, c'était une révolution. Walt Disney a pris un risque quand même énorme pour l'époque en lançant un projet de cette envergure. Mais le résultat, bon, on le connaît maintenant, il a été magique et a changé à jamais la façon dont on raconte des histoires à l'écran. Le film raconte bien sûr l'histoire qu'on connaît tous, la Blanche-Neige qui trouve refuge chez les sept nains adorables. Ce qui est intéressant et que j'ai appris en lisant sur ce film, c'est que pour créer le film, Walt Disney et son équipe ont dû réaliser environ 250 000 dessins individuels. Bien sûr, il y a toute une technique là, avec des calques transparents pour aider à dessiner plus vite, mais quand même, on parle ici de 250 000 dessins uniques. Il a fallu 3 ans de travail et un budget de 1,5 million de dollars, ce qui était énorme à l'époque. Le film dure 83 minutes et la musique composée par Frank Churchill et Leigh Erlein avec des chansons comme Hey Ho reste aujourd'hui inoubliable. Hey Ho! Hey Ho! Hey Ho! Saviez-vous que pendant la production de Blanche-Neige et les Sept Nains, entre 1935 et 37, les studios Disney étaient à court d'argent? Et oui, ils ne roulaient pas encore sur l'or à cette époque. Pour pouvoir finir le film, Walt Disney a dû présenter un extrait encore non finalisé aux responsables de Bank of America pour obtenir du financement. Heureusement, l'argent a été accordé et le film a pu être terminé et, on le sait maintenant, a connu le succès. La première a eu lieu dans un théâtre d'Hollywood le 21 décembre 1937. Lorsqu'il est sorti officiellement en février 1938, Blanche-Neige est devenu le film le plus rentable de l'année, rapportant plus de 8 millions de dollars à l'époque, soit plus de 5 fois son coût de production. Et bon, il a tenu ce record de succès jusqu'à la sortie de Autant en emporte le vent en 1939. Après Blanche-Neige, Walt Disney a continué sur sa lancée avec 2 autres classiques qu'on connaît. En 1940, la sortie de Pinocchio et de Fantasia. Bon, Pinocchio, sorti en 1940, comme je disais, est aujourd'hui considéré comme le chef-d'œuvre narratif et technique de Disney. Il raconte l'histoire qu'on connaît du pantin de bois qui veut devenir un vrai petit garçon avec sa conscience incarnée dans le célèbre grillon Jiminy. L'histoire de Pinocchio, bon, c'est pas une histoire originale de Disney. Le film est basé sur le conte italien « Les aventures de Pinocchio » écrit par Carlo Collodi en 1883. Disney, lui, a adapté le récit pour le cinéma en ajoutant chansons, personnages secondaires et un ton plus familial, transformant ce conte parfois sombre en une œuvre accessible et émouvante pour tous. Côté artistique, le film a été acclamé par la critique pour sa qualité d'animation, sa musique et son émotion, remportant 2 Oscars. Mais du côté commercial, Pinocchio n'a pas eu le succès espéré à sa sortie. La Seconde Guerre mondiale avait fermé une grande partie des marchés européens et asiatiques, ce qui a empêché le film de rapporter beaucoup d'argent au box-office. Mais si comme moi, vous avez vu cette version de Pinocchio quand vous étiez jeune, vous avez sûrement été marqué par une des scènes. Celle où les enfants qui se comportent mal se transforment en âne. Moi, je pense que j'ai trouvé ça un peu effrayant pour l'époque. Donc, on prend le temps, on se rappelle la scène. En écoutant ta bestiole, On aurait cru qu'il pouvait nous arriver une tuile. Conscience, quelle blague! Encore un truc à la gomme. Et tu seras jamais un véritable garçon. Pourquoi ta sauterelle a dit que j'ai l'air d'un âne? Parce que c'est vrai. Hey, tu ris comme un âne. C'est moi qui ris comme ça? Oh. Hey. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je... Oh. On m'a doublé. On m'a possédé. À moi. À moi. On m'a piégé. Il n'y a personne pour m'aider. Au secours. Je t'en prie. Sors-moi de là, Pinocchi. T'es un copain. Appelle ta sauterelle, n'importe qui. Ah. Maman. Maman. Et finalement, quelques mois plus tard, en novembre 1940, Disney a sorti le film Fantasia, un film d'un style très différent. On est plus ici dans le domaine expérimental. Ce n'est pas une histoire classique, mais une succession de séquences animées accompagnées d'œuvres musicales classiques. Et là encore, comme Pinocchio, le film n'a pas été un succès commercial à sa sortie, perdant même de l'argent à cause, une fois de plus, de la guerre qui limitait sa distribution. Donc voilà pour cet autre petit bout d'histoire de la carrière de Walt Disney. On prend maintenant une pause musicale, toujours avec BTS et un de leurs vieux succès qu'ils ont chanté lors du spécial Netflix, la chanson Microcosmos. 어떤 빛은 야망, 어떤 빛은 방황. 사람들의 부빛들 모두 소중한 나날. 어두운 밤 외로운 밤 별처럼 다 오랜 빛나 사라지지 뭐 큰 존재니까 Let it shine. 하찮은 이 밤의 표정이 이토록 더 아름다운 건 별들도 불빛도 아닌 우리 때문일 거야. You got me. 난 너를 보게 꿈을 꿔. I got you. 지륵 같은 만들 속 서로가 본 서로의 빛 같은 말을 하고 있었던 거야. 우린 가장 깊은 밤에 더 빛나는 별빛. 한 사람의 하나의 별 75개의 빛으로 빛나는 75가지의 world 75가지의 삶 도시의 야경은 어쩌면 또 다른 도시의 밤 각자 많은 꿈 내다 shine 넌 누구보다 밝게 빛나 one. 어쩜 이 밤의 표정이 이토록 아름다운 걸 저 어둠도 달빛도 아닌 우리 때문일 거야. You got me. 난 너를 보며 꿈을 꿔. I got you. 지옥 같은 밤들 속 서로가 본 서로의 빛 같은 말을 하고 있었던 거야. 우린 가장 깊은 밤에 더 빛나는 별빛. 가장 깊은 밤에 더 빛나는 별빛. 내본 밤 하늘에 난 떠올려 사람이란 불 사람이란 별로 가득한 바로 이곳에서 We shine it. You got me. 난 너를 밤에 숨을 쉬어 I get you 지옥 같은 밤 뒤 속에 Shining dreams fly Oh let us light up the night 우리 눈이 대로 L'Empire Disney. Après la guerre, Walt Disney se lance dans de nouveaux projets qui l'éloignent de l'animation traditionnelle. Le premier grand jalon de son empire, c'est Disneyland, qui a ouvert le 17 juillet 1955. Le parc transforme Walt Disney en visionnaire mondial. Il ne s'agit plus seulement de films ou de personnages animés, mais d'un véritable univers de divertissement. Le succès est immédiat. Des visiteurs du monde entier affluent pour découvrir les attractions inspirées de ces films, ainsi que le fameux Disneyland Railroad, un clin d'œil à sa passion pour les trains miniatures. Et oui, c'est une chose que j'ai appris en faisant des recherches sur lui. Walt Disney, il paraît qu'il entretenait une véritable obsession pour les trains miniatures. Sur sa propriété, il avait créé le Carol Wood Pacific Railroad avec la locomotive Lily Bell, nommé en l'honneur de sa femme. Ce hobby, conseillé par son médecin pour l'aider à réduire le stress, nourrira son imagination. Son expérience des trains miniatures et du réseau ferroviaire inspire directement le concept du Disneyland Railroad, faisant du train un symbole du parc et du rêve Disney. Ensuite, dans les années 50 et au début des années 60, Walt Disney ne se limite plus au parc d'attractions. Il produit de nombreux films éducatifs et scientifiques, notamment sur le programme spatial américain. En 1957, Walt Disney rencontre Jim Henson, le créateur des Muppets. Ensemble, ils inventent des personnages proches de l'univers Disney, dont Kermit la grenouille qui apparaîtra plus tard dans l'émission The Ed Sullivan Show. Parallèlement, la télévision devient un moyen pour Walt de diffuser ses créations. Du Mickey Mouse Club à Zorro, ses productions familiales séduisent des millions de foyers. Et arrivent enfin les années 60 où il réalise l'un de ses plus grands succès, Mary Poppins, en 1964. Ce film qui mélange animation et prise de vue réelle devient un phénomène mondial et symbolise la capacité de Disney à toucher toutes les générations. On va écouter un extrait de ce film où Mary Poppins, qui vient de remporter la course, se fait demander ce qu'elle ressent et répond avec un mot que je vais essayer de prononcer à la radio. Ce mot, c'est supercalifragilisticexpialidocious. Donc, on écoute l'extrait. Ne bougeons plus, le petit oiseau va sortir. Quelle sensation cela fait-il, Mary Poppins, de remporter la course? Oh, eh bien, je... Et de devenir célèbre. Oui. Et d'avoir votre photographie en première page. Oh, j'en suis enchantée, bien sûr. Et puis d'être une jeune femme d'aussi bonne mine, je n'ai pas peur de le dire. Oh, il m'est difficile. Il y a probablement peu de mots qui expriment votre émotion. Allons, allons, allons, je vous en prie, messieurs. Si au contraire, il y a un mot qui convient, n'est-ce pas, Bird? Oui, il faut le leur dire. Bien. C'est supercalifragilisticexpialidocious. C'est vrai que ce mot trop long est parfaitement atroce. Mais faut le dire et vous serez à la page et plus précoce. Supercalifragilisticexpialidocious. Parce que j'avais en étant petit pas envie de parler. Papa en rage m'a tordu le nez et se mit à blâmer. Quand un jour inspiré j'ai pu faire la belle invention. Ce très long mot recommandé pour la prononciation. Oh, supercalifragilisticexpialidocious. C'est vrai que ce mot trop long est parfaitement atroce. Mais faut le dire et vous serez à la page plus précoce. Supercalifragilisticexpialidocious. Il fait souvent le tour du monde et danse va-et-vient. Il use d'un mot et l'on se dit, c'est un grand magicien. Les ducs et Maharaja prennent le temps de m'écouter. À l'aide d'un simple mot, je fais qu'ils m'invitent à déjeuner. Supercalifragilisticexpialidocious. C'est vrai que ce mot trop long est un peu trop atroce. Mais faut le dire et vous serez à la page plus précoce. Supercalifragilisticexpialidocious. Et si vous le dites, est à l'envers, ça vous donne Dosius Aliex Christique Fragile Cali Super. Mais c'est tout de même aller un peu loin. Indubitablement. Mais dès qu'au chat on donne sa langue, les beaux restent permis. C'est vrai. Dites seulement ce petit mot et alors vous aurez tout. Mais attention, car il pourrait se faire qu'il change votre vie. Par exemple. Oui. Je l'ai dit un soir à une fille que je fréquentais et maintenant elle est ma femme. Oh, je ne regrette pas, c'est une délicieuse créature. Oh. Et voilà, on approche déjà de la fin de cette émission du Grenier Pop. Je dois donc conclure sur notre sujet de cette semaine, le merveilleux monde de Walt Disney. Malheureusement, Walt Disney nous a quittés le 15 décembre 1966 à seulement 65 ans. Des suites d'un cancer du poumon. Mais contrairement à une rumeur tenace qui court depuis des décennies, il n'a jamais été congelé. Non, il repose simplement dans l'intimité familiale au cimetière Forest Lawn à Glendale, en Californie. Walt Disney n'était pas seulement un animateur, c'était un visionnaire, un créateur d'univers et un bâtisseur d'empire. Il a laissé derrière lui un héritage incroyable qui continue de fasciner petits et grands. Et grâce à lui, je peux encore aujourd'hui partir à l'aventure en lisant les aventures de ses héros. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. C'était Frédéric Lavoie qui vous souhaite un bon début de week-end. Et si vous avez le goût d'encourager votre radio communautaire, je vous invite à jouer avec nous au Bingo Radio qui a lieu tous les dimanches 13h. Tous les détails sont sur le site de l'émission Bingo Radio sur le site CIBL105.ca. Curieux pour les rêveurs et les amoureux. Oh, pop, pop, pop.